Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un fragment d'histoire très sensible, l'opération Canard ou l'élimination en règle de Léon Trotsky. Nous sommes le 22 août 1940. Alors que l'Europe est empêtrée dans la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle retentissante passe pourtant presque inaperçue. Léon Trotsky, l'un des principaux artisans de la révolution russe de 1917, est assassiné à coups de piolet dans le crâne, à Coyoacán, au Mexique, au terme d'une mission d'espionnage digne des plus grands polars, avec à la manœuvre le Kremlin. Car c'est bien la main de Staline qu'il faut voir derrière ce coup fatal. En liquidant son ennemi absolu, le potentat soviétique met fin à 30 ans de rivalité avec Lev Davidovich Bronstein, le vrai nom de Trotsky. Une vengeance froide et aveugle, certes, mais cette fin tragique n'était-elle pas, somme toute, la pièce qui manquait à l'édification du mythe Trotsky ? Notre invité aujourd'hui, Alain Frère Jean, historien, auteur de l'ouvrage « Staline contre Trotsky » aux éditions Perrin et du documentaire « Staline Trotsky, le tsar et le prophète » réalisé avec Marie-Laurence Rincé et diffusé sur France 5 en 2015. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Tampico, Mexique. Nous sommes le 20 janvier 1937. Au large, le cargo pétrolier RUT jette l'ancre après 20 jours de traversée de l'Atlantique depuis la Norvège. À son bord, au milieu de l'équipage, se trouvent deux passagers peu habituels. Léon Trotsky et sa femme, Natalia. Depuis 8 ans déjà, le révolutionnaire russe, persona non grata en URSS, erre de pays en pays. Turquie, France, Danemark, Norvège, des asiles qui ne durent jamais. Parce qu'à chaque fois, la pression de l'État communiste sur les gouvernements et les PC locaux conduisent les mêmes gouvernements à chasser Léon Trotsky de leur territoire. Alors quel soulagement quand le peintre mexicain Diego Rivera, convaincu par les idées de Trotsky, s'est mis à plaider sa cause auprès du président mexicain Cárdenas. Cet homme a depuis quelque temps développé une politique d'accueil des réfugiés européens de gauche, parmi lesquels de nombreux républicains espagnols défaits par Franco. Il vient aussi de lancer une ambitieuse réforme agraire et tient à rester indépendant vis-à-vis du capitalisme mexicain. Accueillir Trotsky, dans cette logique, ce serait donner un signal fort. Léon Trotsky est donc le bienvenu au Mexique. À sa descente de bateau, il est accueilli par le peintre et épouse de Diego Rivera, Frida Kahlo, et par des trotskistes américains. Oui, ça existe. Et ils ne sont pas si rares que ça. Quelques jours après son arrivée, Trotsky s'exprime devant les caméras de cinéma. Yes. You will easily understand. Vous comprendrez aisément que je commence ma courte allocution dans un anglais approximatif en adressant mes remerciements les plus chaleureux aux Mexicains et à l'homme qui a su mobiliser un immense courage, le président Cárdenas. Le gouvernement mexicain m'a ouvert les portes de son magnifique pays et nous dit « Ici, vous pouvez pleinement défendre votre droit et votre honneur. » Défendre son honneur. Bien qu'exilé depuis près d'une décennie, Léon Trotsky reste en URSS plus que la cible. Il est l'obsession de Staline, qui ne parvient pas à détourner de son viseur son rival de 30 ans. Car depuis le début, tout oppose les deux figures communistes. D'un côté, Trotsky, le fils de paysans juifs aisés d'Ukraine. De l'autre, Staline, né d'un père ouvrier et d'une mère couturière géorgienne. Le premier est bourgeois, éduqué, cultivé, brillant. Le second est rustre, certes, mais déterminé et ambitieux. Ces deux tempéraments ont chacun des qualités qui les rendent indispensables aux côtés de Lénine au moment de la révolution d'octobre 17. Trotsky, le socialiste idéaliste et intransigeant, est aussi un tribun hors pair qui n'a pas son pareil pour galvaniser les foules. Mais Staline est lui-même doté de talents très utiles. Une capacité, une efficacité à récolter de l'argent pour financer la révolution par des moyens plus ou moins honnêtes. Le racket, mais après tout, c'est pour la bonne cause. Quoi qu'il en soit, tous deux se font une place de choix dans l'organigramme soviétique. D'abord commissaire aux affaires internationales, Trotsky est ensuite nommé commissaire à la guerre. Il crée ainsi l'armée rouge. Staline, lui, devient secrétaire général du comité central du Parti communiste en 1922. La mort de Lénine va attiser les tensions entre les deux hommes, forcément. Le 21 janvier 1924, Lénine succombe à un accident vasculaire cérébral. Se pose donc la question de sa succession. À force d'intrigues et d'habiles manœuvres, Staline parvient à éliminer un à un ses rivaux et à décrocher le poste, au dépens notamment de Trotsky. Ce dernier avait pourtant bien perçu la tendance autocratique du secrétaire général du comité central, la dénonçant jusque dans son testament. Staline est trop brutal. Et ce défaut, parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous communistes, ne l'est pas dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d'étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste et pour nommer à sa place une autre personne qui n'aurait en toute chose sur le camarade Staline qu'un seul avantage, celui d'être plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, d'humeur moins capricieuse. Trop tard, s'appuyant sur la bureaucratisation du parti, Staline a commencé à placer des hommes de la plèbe qui lui sont redevables à des postes clés. Il a tissé un solide réseau de fidèles. Trotsky, lui, intransigeant, trop prompt à critiquer ses camarades, refroidit les troupes et compte moins de soutien. En l'espace de quelques mois, Staline parvient à l'évincer de toutes les instances dirigeantes, gouvernement, Cominterne, politburo. Trotsky n'en perd pas sa verve pour autant. Allié à deux autres éminents bolcheviks, Zinoviev et Kamenev, il lance le mouvement d'opposition de gauche. Et il dénonce tour à tour la trop grande bureaucratisation du parti, mais aussi la position politique de Staline. Partisan d'un communisme universel dépassant les frontières de l'URSS, Trotsky lui reproche de voir le régime communiste comme une expérience circonscrite aux limites de l'URSS. Pour Staline, Trotsky devient plus que jamais l'ennemi à abattre. Le 12 novembre 1927, il profite de l'absence de son rival pour l'expulser du parti. Trotsky ne l'apprend que le lendemain. Il est alors avec deux militants communistes français venus lui rendre visite, Pierre Naville et Gérard Rosendahl. Ce dernier raconte la scène dans le documentaire Trotsky d'Alain Dugrand et Patrick Le Gall. Au cours de notre entretien avec Trotsky, le téléphone a sonné. C'est Smirnov qui a pris l'appareil. Smirnov était ministre des Postes et il a transmis l'appareil à Trotsky. Et Boukharine a dit à Trotsky, ils vous ont exclu hier, ils sont fous au Kremlin, ils ne pourront pas se passer de vous. Et Trotsky, en reposant l'appareil et en nous rapportant les paroles de Boukharine, a seulement dit « voilà ». Voilà, la machine à éliminer Trotsky est lancée. Mais le meilleur ennemi de Staline reste populaire. Impossible de le supprimer physiquement. Pour le moment, ce serait trop voyant. Ce sera donc la déportation à Alma-Ata au Kazakhstan pour commencer, puis l'expulsion pure et simple du RSS et le départ pour l'exil en 1929. Comme ça, c'est complet. Et c'est le début de plusieurs années d'errance pour Trotsky et pour sa femme, Natalia, jusqu'au terminus sous le soleil de Mexico. Alors arrivés à Coyoacán, les Trotsky sont hébergés par Frida Kahlo dans sa maison bleue située en banlieue de la capitale mexicaine. Une cour jonchée de fleurs de toutes les couleurs, des perroquets qui piaillent sur les branches des arbres, une maison confortable, joliment décorée, des domestiques à disposition et de la nourriture à foison. Jamais Trotsky et sa femme n'ont été si bien accueillis depuis qu'ils ont quitté l'URSS. Mais même dans ce coin de paradis, même à plus de 10 000 kilomètres, la tête et la plume de Trotsky restent tournées vers sa patrie. De l'autre côté du globe, le vent glacial de la Grande Terreur souffle sur l'URSS. Après avoir tranquillement assassiné son peuple entre 1931 et 1933, en organisant une immense famine qui fera de 6 à 8 millions de morts, surtout en Ukraine depuis 1935, Staline a entamé autre chose. Une politique d'élimination systématique de tous les opposants déclarés ou potentiels, sous l'égide du procureur général Andrei Vyshinsky, un fondu brutal et corrompu. Quand un accusé était reconnu coupable, comme toujours avant son procès, il était exécuté juste après. Cette immense purge vise à liquider toute la vieille garde bolchevique et les élites politiques, économiques et intellectuelles non staliniennes. Alors on les remplace par des hommes plus jeunes et donc plus dociles et malléables. Mais la police politique procède également à des arrestations massives à tous les niveaux de la société. En seulement 2 ans, 1,5 million d'hommes et de femmes sont arrêtés. Entre 750 et 850 000 d'entre eux sont exécutés ou disparaissent mystérieusement. Le reste est envoyé en camp pour 8 à 10 ans. Le premier des grands procès s'ouvre en août 1936. Celui-ci doit réprimer de prétendus complots dits par des trotskistes et des proches de Sinoviev, accusés de l'assassinat d'un homme de confiance de Staline, Kirov. Même s'il est absent, Trotsky est toujours visé. Des aveux de son implication dans les fameux complots sont extorqués à ses amis. Et lors de son intervention devant les caméras mexicaines, l'exilé ne manque pas de dénoncer l'entreprise stalinienne. Les procès de Staline contre moi sont construits sur de fausses confessions extorquées par des méthodes brutales et inquisitrices dans l'intérêt de la clique dirigeante. Il n'y a pas dans l'histoire de crime plus terrible dans l'intention et dans l'exécution que les procès de Moscou. Ces procès ne découlent pas du communisme, pas du socialisme, mais du stalinisme. C'est le fait du despotisme irresponsable de la bureaucratie. Ma principale tâche est désormais de révéler la vérité, de montrer et de démontrer que les vrais criminels se cachent dans le costume des accusateurs. Les procès de Moscou sonnent comme un avertissement. Trotsky n'est pas directement touché puisqu'il est absent. Mais il est tout de même accusé de tous les maux et condamné à mort par contumace. Il est en danger, il le sait, car tous ceux qui ont croisé son chemin subissent la vindicte de Staline. Et sur ce point, les choses sont claires. Éliminer les proches de Trotsky jusqu'au dernier est la priorité du NKVD, le commissariat aux affaires intérieures. En attendant, sa première femme, Alexandra, sa sœur, Olga, et son gendre sont déportés en Sibérie. Son secrétaire particulier, Erwin Wolf, meurt dans des conditions étranges en Espagne. Mais le coup le plus dur reste l'élimination de son propre fils, Léon Zeloff, qui meurt dans des conditions obscures dans un hôpital russe à Paris en 1938. À Koyakan, Trotsky est surveillé 24 heures sur 24 par la police. Mais un an après son arrivée, les liens avec Diego Rivera et Frida Kahlo se distendent. Et pour cause, Trotsky a succombé au charme de l'artiste peintre mexicaine et entretenu liaison avec elle. Diego Rivera finit par l'apprendre. Difficile dans ces conditions de continuer à bénéficier de l'hospitalité du couple. Le pourfendeur du régime stalinien loue alors une grande maison dans le même quartier à l'angle de la rue de Vienne et de la rue Morelos. La villa tropicale est agréable. Mais Trotsky est persuadé que sa vie est en danger. Alors il transforme la demeure en forteresse et la ceint d'un épais mur protecteur. À l'intérieur, des fils déclencheurs d'alarme ont été installés. 6 gardes, tous trotskistes américains, sont présents en permanence. À l'extérieur, un poste avec 10 de policiers mexicains surveille l'entrée de la maison. Seul accès, une porte blindée à travers laquelle il faut chuchoter un mot de passe pour entrer. Autant dire que le vieux, car c'est ainsi que l'on le surnomme alors Trotsky, ne met pas souvent le nez dehors. Ses journées consistent essentiellement à travailler. C'est ce qu'explique son secrétaire particulier de l'époque, Jean van Eetmoort, sur France Inter en 1965. Mais surtout, nous faisions des promenades, des pique-niques tous les 2 semaines, 3 semaines, on sortait de la maison. Parce que, vous savez, il n'y avait pas de dimanche, il travaillait tout le temps qu'il était dans la maison, il travaillait jusqu'à... Il avait son activité quotidienne de jour en jour qui se répétait avec le même programme. Et il fallait inventer une raison pour le faire sortir une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. Quelquefois, on trouvait des danses mexicaines dans un village, on essayait de l'intéresser, de le faire sortir, tout cela. Mais il a inventé un nouveau sport, il a inventé la récolte des cactus. Et vous savez, pas des petits cactus, mais des gros cactus qu'il fallait déraciner. Reste la plume. C'est l'arme de Trotsky désormais contre Staline. Régulièrement, il publie des articles dans le bulletin de l'opposition tiré à Paris. Il travaille également à un ouvrage sur les crimes de Staline. Mais après la mort de son fils, il met plusieurs mois à retrouver la force et l'énergie de se battre. Pourtant, il n'est pas prêt à renoncer aussi facilement. Alors malgré les menaces, malgré les morts qui pleuvent autour de lui, il s'active pour descendre Staline à coups d'idées et de formules. Il en est persuadé, son ennemi est en train de dévoyer le régime communiste issu de la révolution de 17. Depuis plusieurs années déjà, il travaille à la création d'une nouvelle internationale pour guider les communistes du monde entier, la 4e internationale. Pour y parvenir, Trotsky doit rassembler les forces de l'opposition et ses sympathisants éparés, parpillés un peu partout. Et ce n'est pas une mince affaire. Lui est au Mexique, le gros des troupes aux États-Unis et aux Pays-Bas, les organisateurs, eux, sont à Paris. Bon an, mal an, la conférence fondatrice officielle s'ouvre en septembre 1938 à Périgny, en banlieue parisienne. Le lieu a été changé à la dernière minute, histoire d'éviter toute action du NKVD. Elle est présidée par un Américain, Max Satzman. 21 délégués de 11 pays s'y présentent. Dans l'assistance, ce jour-là, une jeune psychologue américaine proche de Trotsky, Sylvia Angeloff. Retenez bien ce nom. Un mois plus tard, le 18 octobre 1938, dans un discours enregistré dans sa maison de Koyakan, Trotsky s'adresse aux adhérents américains de la 4e internationale. Chers camarades, il aura fallu 10 ans à la clique du Kremlin pour étouffer le parti bolchevique et transformer le premier état des travailleurs en une sinistre caricature. Il aura fallu 10 années à la 3e internationale pour piétiner son propre programme et se transformer en un cadavre puant. Permettez-moi de finir avec une prédiction. Pendant les 10 prochaines années, le programme de la 4e internationale deviendra un guide pour des millions. The guide of millions. Longue vie à la 4e internationale. La 4e internationale ne regroupe que quelques milliers de militants, a priori pas de quoi faire trembler Staline. Mais pour lui, la création de l'organisation trotskiste est un affront. Il est persuadé qu'elle peut le fragiliser. Un an plus tôt, au cours d'un comité central en mars 37, Staline avait accusé Trotsky et ses partisans de monter un complot contre l'URSS. Alors là, c'en est trop. Quelques mois plus tard, le numéro 1 soviétique convoque dans son bureau Pavel Soudoplatov, l'adjoint du chef des renseignements à l'étranger, et lui confie une mission. Organiser l'assassinat de Léon Trotsky avec cette promesse. Le parti n'oubliera jamais ceux qui y auront pris part et veillera non seulement sur eux, mais sur chacun des membres de leur famille. И не движется все из лунного серебра. Песня слышится и не слышится, ведь тихие вечера. Песня слышится, ах, и не слышится. Thank you. сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце. Le plan actuel prévoit le recrutement d'hommes nouveaux et sera établi sur des bases nouvelles. But, liquidation du canard. Méthode, travail des agents opérationnels, présence d'un groupe actif. Moyen, empoisonnement de la nourriture, de l'eau, explosion dans la maison, explosion dans la voiture, attaque directe par strangulation, poignard, coup sur la tête, coup de feu. Début juillet 1939. L'opération Canard se met en place. Dans ce document, celui que vous venez d'entendre, signé par le chef des renseignements Fitin, son bras droit, Sudoplatov, et un certain Ettingun, un agent de service, les renseignements déclinent leur plan opérationnel. Trois équipes sont formées. La principale est constituée autour du peintre mexicain David Alfaro Siqueiros. Mais les hommes du NKVD ne peuvent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Muré dans sa forteresse, Léon Trotsky est protégé par une dizaine d'hommes et ses visites sont très contrôlées. Alors pour augmenter les chances de succès de l'opération, ce premier plan prévoit l'envoi d'autres agents. L'attaque par un groupe armé est possible. L'organisateur et le chef sur place est Tom. Avec lui seront envoyés dans le pays la mère, Raymond. Tom, la mère, Raymond. Des noms codes bien mystérieux. Tom n'est autre que Kotov Ettingun, l'agent du NKVD en charge de l'organisation sur place de l'opération. Raymond, lui, c'est Ramon Mercader. Retenez ce nom également. Et la mère, c'est Caridad Mercader. La mère de Raymond, dans la vraie vie, ce sont deux communistes espagnols recrutés comme agents des services secrets soviétiques et infiltrés dans les cercles trotskistes en 1938. Cette année-là, au mois de juillet, Ramon Mercader arrive à Paris. Il se fait alors appeler Jacques Mornard et se présente comme le fils d'un ambassadeur belge, journaliste sportif à 16 heures. On lui a donné mission de se rapprocher d'une jeune psychologue américaine d'origine russe, trotskiste convaincue et très proche de Léon Trotsky et de sa femme, Sylvia Angelov. C'est elle qui représente le Socialist Workers Party américain au congrès fondateur de la 4e Internationale. Jacques Mornard, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle désormais, réussit parfaitement cette mission. Comme le raconte une amie de Sylvia Angelov sur France Inter le 30 octobre 65. Lorsque Jacques s'est amené de la part d'une amie commune, par la suite il se révélait que c'était une agente, mais évidemment Sylvia ne le savait pas. Et elle était enchantée d'avoir un garçon qui la sortait un peu, qui connaissait très bien les boîtes, les restaurants, et qui était fort charmant. La politique l'ennuyait, disait-il, et lorsque nous parlions politique, et nous en parlions beaucoup, évidemment, à cette époque, il sortait de la pièce, ou bien, il montrait que ça ne l'intéressait pas, qu'il ne voulait absolument pas entendre parler de ces choses. Sylvia Angelov est séduite. Il faut dire que Ramon Mercader, ou Jacques Mornard, c'est selon, tient sa couverture de manière très habile. Mais en février 39, Sylvia doit regagner New York. La mission de Jacques n'est pas terminée pour autant. Il reçoit l'ordre de poursuivre sa relation avec elle. Le problème, c'est que la Seconde Guerre mondiale couve. Il faut lui trouver un faux passeport. Il embarque donc sur le paquebot Île-de-France, direction New York, le 1er septembre 1939, avec un passeport canadien au nom de Frank Jackson. Sur place, il travaille officiellement pour une société d'import-export pour laquelle il est envoyé à Mexico en octobre 39. Le NKVD espère ainsi attirer Sylvia au Mexique auprès de Léon Trotsky. Et le stratagème fonctionne. Elle le rejoint effectivement en janvier 40. Peu avant de partir à nouveau pour New York, en mars 39, Sylvia propose à Ramon Mercader, qui se fait donc désormais appeler Jackson, de l'accompagner lors de sa dernière visite auprès du couple Trotsky. Et c'est ainsi que l'homme approche pour la première fois le cœur du réacteur. Dans le même temps, l'équipe principale de l'opération Utka et le peintre David Alfaro Siqueiros fomentent l'assassinat de Trotsky. La mission est planifiée pour la nuit du 24 au 25 mai. Ce soir-là, le leader de la 4e internationale et sa femme vont se coucher, comme tous les soirs. Leur petit-fils, Teva, qui vit avec eux depuis quelques mois, occupe la chambre d'à côté. Dans la maison, tout le monde dort, sauf l'un des six gardes, l'américain Robert Sheldon Hart. Soudain, 20 hommes vêtus d'un uniforme de police arrivent devant la maison. Les policiers mexicains qui montent la garde en face ne se méfient pas, et quand les hommes sortent leurs mitrailleuses, il est déjà trop tard, ils ne peuvent plus rien faire. Les attaquants approchent de la porte blindée qui s'ouvre presque instantanément. Robert Hart n'est sans doute pas un garde si loyal. Il s'engouffre alors dans la maison et tire des dizaines de balles dans la chambre de Trotsky qui a poussé sa femme hors du lit et s'est recroquevillée dans un coin. L'un et l'autre en réchappent, miraculeusement. Le petit-fils d'Eva a été frôlé au pied par une balle. Les tueurs, eux, se retirent, persuadés d'avoir accompli leur mission. Grave erreur. C'est un échec complet. C'est alors que Ramon Mercader est convoqué à New York auprès de Kotov Ettingen, l'agent en charge de l'opération Canard. Et voilà ce qui se serait passé selon l'agent soviétique. Naturellement, ce fut un énorme scandale. Kotov Ettingen était désespéré. Staline lui avait donné l'ordre de liquider Trotsky et il ne pouvait pas ne pas l'exécuter. Après le fiasco de Siqueiros, il était allé jusqu'à négocier avec un aviateur américain pour qu'il bombarde la maison. Cela ne s'est pas fait, c'était compliqué. À la fin, je le sentais tellement désespéré que je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, je m'en charge ». Dans les semaines qui suivent, l'attentat. Chaque matin, Trotsky se réveille et dit à sa femme « Tu vois, nous sommes vivants. Mais pour combien de temps aurait-il pu ajouter ? Car il sait, en tout cas il pense, il craint que ses jours soient comptés. » août 1940. La journée de Léon Trotsky démarre comme bien d'autres. Il se lève à 6h et passe la journée à travailler sur son livre concernant les crimes de Staline. Un peu fatigué, il va se dégourdir les jambes dans le jardin. Il est rejoint par sa femme, Natalia. C'est alors qu'un homme se présente à la porte blindée. Ramon Mercader, alors connu sous le nom de Frank Jackson, apparaît dans l'entrebâillement. Depuis sa visite avec Sylvie Angeloff, il est revenu régulièrement prendre des nouvelles ou proposer des services. Quelques jours plus tôt, au cours d'une discussion avec Trotsky, il lui a proposé d'écrire un article sur la polémique au sein du mouvement trotskiste autour de la participation de l'Union soviétique à la Seconde Guerre mondiale. Et il a demandé au maître s'il accepterait de le relire. « Bien sûr », lui répond Trotsky. La première lecture est pour le moins compliquée. L'article est très mal écrit, manuscrit, et Léon Trotsky demande à Jackson de le retravailler. C'est donc pour lui présenter une nouvelle version de son travail qu'il revient ce jour-là. Mais son attitude est étrange. Il porte un imperméable alors qu'il fait grand soleil. Et il est pâle, très pâle. Si bien que Natalia s'inquiète. Pourquoi porte-t-il un imperméable? Il n'a pas l'air bien. Elle lui propose une tasse de thé. Mais Jackson refuse, prétextant une indigestion et demande un verre d'eau. Léon Trotsky le guide alors jusqu'à son bureau pour relire le fameux article. Bien, le leader de la 4e internationale s'assied à son bureau. Jackson, qui a finalement ôté son imperméable, est appuyé sur une table, derrière lui. Soudain, il sort un piolet et frappe de toutes ses forces sur le crâne de Trotsky. Un cri strident et déchirant résonne dans toute la maison. Natalia se précipite et découvre son mari appuyé dans le cadre d'une porte, le crâne dégoulinant de sang, prononçant distinctement un nom, Jackson. Steva, le petit-fils de Léon Trotsky, est alors en train de rentrer de l'école. Il raconte dans les dossiers de l'écran, bien plus tard, en 79, la scène qu'il découvre à son retour. J'avais 14 ans, je revenais vers 4 heures, tranquillement. Et tout d'un coup, j'étais à 2-3 coins de la maison, j'ai senti une angoisse, quelque chose d'étrange avait passé. Je voyais des gens, des voitures arrêtées. Puis je suis rentré dans la maison qui était ouverte et j'ai trouvé un gardien tout à fait bouleversé, un Américain. Je lui demande « Qu'est-ce qui arrive ?» J'ai dit « Jackson ». C'est tout ce qu'il m'a répondu. Et puis après, j'ai vu justement dans le jardin un homme qui était détenu par des policiers tout à fait blessé,

de l'histoire russe. C'est un homme qui, à partir de quelques milliers de volontaires, a créé, dans la plus grande difficulté, une armée de 5 millions d'hommes pour la guerre civile et qui a réussi à vaincre 4 armées de Russes blancs, plus encore des corps expéditionnaires tchécoslovaques, japonais, français et surtout britanniques. Donc c'est un homme extrêmement à poigne organisé et qui a une capacité d'entraîneur. Staline, c'est totalement différent. C'est un homme silencieux qui marche pas à pas, à pas feutré. Si vous voulez l'opposer à Napoléon, je dirais que c'est Talleyrand. Un Talleyrand de milieu modeste, un Talleyrand qui, au lieu d'être d'une famille aristocratique, est issu un peu des bas-fonds de Géorgie et qui, au début, a monté des hold-up contre des banques ou contre des bateaux. La grande différence entre eux, c'est que Trotsky est un idéaliste, c'est un homme sincère qui vise l'égalité de tous les hommes en Russie et même dans le monde. Il voudrait exporter l'égalité. C'est la grande différence idéologique effectivement entre Staline et Trotsky. Hein. Alors Staline, tout au contraire, il ne s'intéresse qu'à lui. Il a un ego fantastique. Et alors, parmi ses coups de génie, ça a été de faire de lui, qui était quasiment inconnu, une grande idole au même titre que Dieu. Oui, une grande idole dans un pays qui était devenu athée, mais qui avait gardé des traditions et des habitudes religieuses, des habitudes de défilé. Et l'un de ses coups de génie, ça a été l'exploitation de la mort de Lénine et des obsèques de Lénine. Il s'est arrangé, à ce moment-là, pour que Trotsky soit à 2500 kilomètres de là, au fin fond de la Géorgie, à la frontière de la Turquie, en convalescence, pour pas grand-chose. Et il lui a raconté que que Lénine venait de mourir et qu'il n'aurait pas le temps de revenir. Et il a transformé, il a profité de cette absence de Trotsky pour faire des funérailles extraordinaire à Lénine. Il l'a fait momifier et il lui a créé un mausolée et il a fait défiler des millions de gens devant son cercueil. Et pourquoi ? Pour que Lénine, qui était le grand homme, devienne une idole dans un pays athée, oui, une idole, et pour que, à son tour, il puisse dire qu'il a toujours été aux côtés de cette idole, et pour qu'il devienne à son tour une idole. Oui, mais effectivement, mais il n'est pas seul. Il faut bien que d'autres suivent Staline. Il ne peut pas faire ça tout seul. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de dirigeants ont suivi Staline et non pas Trotsky? Alors, il a fait un autre coup de génie, c'est qu'en 1922, il a inventé le poste de secrétaire général du parti, et à force de cajoler les uns et les autres, des tiers, il s'est fait nommer à ce poste qui paraissait de peu d'intérêt, purement d'organisateur de conférences et de réunions, et il en a fait le véritable, la colonne vertébrale du régime bolchevique. Parce que en seul, il n'y a pas d'élection générale en Union soviétique. Les seuls électeurs, ça va être les membres importants qu'il a lui-même choisi dans tous les soviets des principales villes de province. Donc on voit qu'il y a un politique qui a la fibre politique. C'est Staline, et puis un idéaliste, effectivement, c'est Trotsky. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont chacun d'un côté de la morale? Ou pas? Ou c'est trop simple? Moi, je dirais que, non, d'un certain côté, ils sont responsables de la mort de millions de personnes. Naturellement, Staline, on le sait. Mais également, à un moindre niveau, Trotsky, puisque en 1921-22, lorsqu'il y a eu une famine très importante dans l'est de l'Ukraine et la basse vallée de la Volga, cette famine qui a fait la première plus de 3,5 millions de victimes et qui est due essentiellement aux réquisitions perpétrées par l'armée rouge de Lénine sur les récoltes des paysans et qui a incité les paysans à réduire complètement leur activité agricole. Bon, il y a une responsabilité de Trotsky qui est considérable. Mais Trotsky est un homme honnête. Il ne fait pas la mort ni par perversité, ni par intérêt personnel. Il l'a fait parce qu'il croit que le régime communiste doit être la dictature du prolétariat. Il croit que c'est le régime qui va libérer le monde entier. Hein. Ce qui n'est pas du tout le cas de Staline, qui au début, quand il est jeune, oui, il est aussi un militant bolchevique. Il a été horrifié par des spectacles de pendaison tout à fait injustifiés. Donc, il n'est pas si méchant que ça au début. Mais finalement, il ne va plus penser qu'à devenir une idole. Est-ce qu'il y a entre ces deux hommes quelque chose du corbeau et du renard ? Ah bah absolument, parce que Trotsky est un orateur absolument extraordinaire, qui est un très grand entraîneur d'hommes. Et ça se voit en particulier dans les débuts de la guerre civile, où il entraîne des soldats, il monte sur un train blindé, sur le toit des wagons des trains blindés, et il va exhorter des soldats qui sont en train de battre en retraite à repartir en avant. C'est un homme qui encourage tellement des gens, que des gens qui ne partagent pas ses idées l'applaudissent en se disant, mais on ne peut pas ne pas applaudir cet homme. Après, ils se repentent quelquefois de ce qu'ils ont fait. Mais sur le coup, c'est un homme irrésistible par son charisme. Ce qui n'est pas le cas du tout de Staline, qui est un homme silencieux, intériorisé, qui marche pas à pas et qui monte des coups. Et qui est rusé. La grande ruse, deuxième grande ruse de Staline, ça a été en 1936, la manière dont il a souri en apprenant la mort de Kirov, le chef du soviet de Leningrad, et il s'est dit, je vais pouvoir inventer un complot fantastique dans lequel Kirov, au lieu d'avoir été tué par un petit individu imbécile isolé, il a été tué par les Zinoviévo-Trotskistes, et puis après par les Hitlero-Trotskistes, et on verra plus tard, par les Tito-Trotskistes, toujours. Le mensonge comme levier du pouvoir. C'est le mensonge, oui. On va se retrouver, Alain Frère-Jean, dans 3 minutes, après avoir écouté Calvin Russell, Like a Revolution. It's come and gone. Every child, woman, man, now's the time to make your stand. We come so far from where we started. Well, ever since the world begun, been the story of the forgotten one. Always pushed against the wall, and always asked to pay it all. But now it looks, it sounds, it smells, it feels. It smells like a revolution. It looks, it feels, it charm. Well, I don't care what you heard. This is more than just a word. Impossible to resist. Now don't you really feel like this? Sounds and feels and smells and moves and looks like a revolution. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Alain Frère, Jean, Trotsky est éliminé, assassiné en 40, il aurait pu être assassiné en 38, en 37, il aurait pu rester en IRSS et passer sous le bulldozer Wyszynski et des procès, voilà, on aurait pu. Est-ce qu'il y a un moment précis où Staline décide l'assassinat de Trotsky? Ah, absolument. Ah. C'est après la signature du pacte avec l'Allemagne de Hitler, la signature du pacte Ribbentrop-Molotov. Mmh. Parce que il se dit que la signature de ce pacte n'est pas très bien prise par tous les communistes du monde entier. Oui. Et il se dit, il pourrait y avoir une petite opposition contre moi. Et cette opposition risque d'être grave dans le cas où il y aurait véritablement une guerre mondiale. Et avec Hitler, c'est pas du tout impossible. Or, il se trouve que ce qui a beaucoup frappé l'attention de Staline, c'est un discours que Franco a fait pendant la guerre d'Espagne, où il a dit « J'ai quatre colonnes qui marchent sur Madrid et j'ai une cinquième colonne de partisans à l'intérieur de Madrid. » C'est l'idée de la cinquième colonne, c'est-à-dire des ennemis de l'intérieur. Et Staline s'est dit « Oh, mais si jamais nous entrons dans une guerre mondiale, avec qui que ce soit, Trotsky est capable de faire une cinquième colonne et de réveiller et de fédérer et d'exalter toutes les oppositions. Et ça, ça risque de me coûter cher. C'est pour ça qu'il a véritablement décidé de mettre le paquet et d'en terminer avec cet adversaire. Adversaire qu'il jalousait. Parce que tellement... Est-ce qu'il était complexé de la dimension intellectuelle de Trotsky? Bon, évidemment, évidemment. Comment ne peut-on pas être on ne peut pas ne pas être... impressionné. Mais oui, il y a des tas de gens comme André Breton, des tas de d'intellectuels comme Georges Simenon, qui ont été absolument bouleversés, comme André Malraux, qui ont été bouleversés par l'intelligence de Trotsky, par son entraînement. L'exil de Trotsky ne signifie pas forcément que Staline a gagné, car les idées de Trotsky n'ont pas disparu avec lui. Alors on l'a vu un peu partout, on l'a vu en France notamment, en mai 68, avec un parti comme celui d'Alain Krivine à l'époque. Mais qu'est-ce que ça veut dire être Trotsky, par exemple, trotskiste à cette époque-là? Parce que c'est la filiation, on peut la comprendre, et en même temps on se dit, bon, c'est quand même pas non plus un modèle de démocratie, d'humanité non plus, c'est Trotsky, hein? Non, je crois que il y a eu des petites tentatives de tout petits groupes de revenir aux idées de Trotsky, mais ces partisans de Trotsky, ils n'ont jamais réussi à s'entendre entre eux. Ils n'ont jamais réussi à avoir un programme commun. Et ils ont fait souvent des partis. Et même, nous avons vu au moment où ils ont été le plus fort, c'est-à-dire en 2002, aux élections présidentielles de 2002, ils ont eu deux candidats, Arlette Laguiller avec 6% des voix à peu près, et Olivier Besancenot avec 4%. Donc c'est magnifique d'avoir réussi à faire 10% à partir de rien, mais quand même, ils n'ont pas réussi à être d'accord sur une seule candidature. Et puis après, c'est redégringolé à 1%. Voilà. Alors, je me suis posé une question en me penchant sur le dossier. On va y revenir un peu plus tard, dans pas longtemps. Gorbatchev a plus ou moins réhabilité, enfin, il a cassé le tabou. Moi, je me suis demandé pourquoi Khrouchtchev, dans son entreprise de déstalinisation, n'avait pas non plus soulevé le tabou Trotsky. Non, ils ont soulevé des tabous, Rykov, un certain nombre de partisans, d'opposants à Staline, mais ils n'ont pas beaucoup soulevé Trotsky. Trotsky leur fait peur. D'abord, Trotsky, plus qu'un Russe, d'abord c'est un juif ukrainien, c'est un internationaliste. Oui. Hein. Et le principe des Russes, c'est des bolcheviks, c'est quand même d'abord de maintenir le régime et la nomenclatura dans leur pays avant d'aller se fourvoyer dans le monde entier. Hein. C'est secondaire, ça. Hein. Et c'est ce qui n'était pas secondaire pour Trotsky. Pour lui, c'était prioritaire. Ah oui, pour lui, c'est prioritaire, mais seulement pour lui. Mais oui. Et oui. Il est une exception, c'est un homme seul. Et comme on disait, et comme il a dit lui-même d'ailleurs dans un de ses livres, Les Crimes de Staline, il disait, moi je vise les idées, et tandis que Staline, il vise la nuque des gens. Voilà. C'est clair, c'est bien ça. Alors, puisqu'on parle d'exception à la tête de l'URSS, on en connaît une autre. Hein. Gorbatchev a été une exception pour beaucoup d'égards. Il a soulevé le couvercle Trotsky, Gorbatchev quand même. Oui, mais il ne l'a pas vraiment réhabilité. Ah, alors dites-moi, c'est intéressant. Oui, la différence d'autres. Non, il n'a pas réhabilité. Il n'en a pas tellement parlé. Je crois que c'est pas ça son affaire. Et puis, Trotsky, il n'est absolument pas pragmatique. Il a affamé la Russie en faisant ce que Lénine n'avait pas fait. Lénine avait, en 1917, il avait réquisitionné toutes les terres qui appartenaient à l'Église et aux propriétaires non exploitants. Alors, les terres, c'était l'essentiel. L'agriculture, c'était l'essentiel de la Russie. Bon. Et il avait donc laissé les paysans être propriétaires de petites terres. Et même, il avait fait partager les terres de l'Église et les terres des riches exploitants bourgeois entre les paysans. Et au contraire, Trotsky a voulu absolument faire la réquisition de toute la terre. Il a été l'ennemi de tous les exploitants, l'ennemi de toute propriété privée, oui. Quelle qu'elle soit. Et ça, c'est pas le genre des dirigeants actuels. Quoi. Tiens, alors, on parle des dirigeants actuels. L'empoisonnement de l'opposant Alexis Navalny en août dernier, hein, c'est très proche. Ça recommence. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, Poutine? Son opposant, qu'on empoisonne, et puis Staline qui va jusqu'à tuer Trotsky à l'autre bout du monde. On ne s'oppose, ça recommence, on ne peut pas s'opposer. Non, je crois qu'on ne peut comparer personne à Staline. Mm-hmm. Staline, oui, certes, Non mais le postulat, c'est que je ne compare pas. Oui. Je ne compare pas les époques. Simplement, je vois comme un phénomène assez saisissant qu'on a tenté d'empoisonner un opposant au chef du Kremlin. Voilà, mais ça ne va pas plus loin. Et donc ça va pas plus loin. Alors on va passer à autre chose, ça va pas plus loin, parce que je vois circonspect par rapport à la question. Non, parce que je voudrais, il reste 20 secondes. Vous travaillez en ce moment sur autre chose. On peut savoir quoi? Oui, je travaille actuellement. Je vais publier incessamment Napoléon face à la mort. Ah, parce que je me disais, mais quel nom il a trouvé? Napoléon, on attend. Donc face à la mort. Oui. Ça sort bientôt? Pour le 200e anniversaire de sa mort. Oui. Donc, fin mars, là. Donc, c'est le 5 mai. 5 mai, pardon. 2021. Bien. Bah, écoutez, bon courage pour boucler. Merci Fabrice. Et merci infiniment pour. Merci, Fabrice. Voilà, pour vous avoir fait partager vos connaissances autour du Kremlin. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de Trotsky, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Elisabeth Collet.